Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. On va parler d'un spectacle qui sera au cours de la saison prochaine à l'affiche de la nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise. Vous êtes venu sur scène d'ailleurs le week-end dernier présenter ce spectacle. Jean Bellorini, donc, il s'agit d'une pièce pour deux acteurs qui nous fait revivre l'un des chefs-d'œuvre de la littérature, à savoir la pièce de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu. Alors quand je dis ça nous fait revivre ce spectacle ou ce chef-d'œuvre de la littérature, en fait, vous avez fait un travail d'adaptation. Bien sûr, on ne dit pas toute la recherche, parce que ces 3000 pages seraient un petit peu trop longues à dire sur scène. Il s'agit de tout petits fragments qui sont des moments extrêmement fidèles et qui sont l'écriture même de Marcel Proust. Je crois que c'est une des plus belles et une des plus fortes écritures françaises qui n'a jamais été. Tout ça à l'intérieur de deux personnages, donc c'est une fiction, que sont Hélène d'un côté et Camille, le narrateur, de l'autre. Hélène, voilà, je vous donne le cadre, mais Hélène est une vieille, une personne âgée qui serait seule dans une maison de repos. Camille vient la visiter pour la faire parler, pour la faire accoucher de ses souvenirs, de sa vie. Et Hélène va raconter son histoire. Hélène est d'origine vietnamienne, elle arrive du Vietnam à l'âge de 4 ans, avec sa mère, qui tombe malade, elle se retrouve seule, avec ses frères, placée dans une maison d'une famille d'accueil, dans le Berry, et elle va oublier de là où elle vient. Et plusieurs années après, à l'âge de 9 ans, sa mère revient, et elle lui fait à manger de la nourriture vietnamienne, et elle retrouve une sensation passée, quelque chose, elle recomprend qui elle est et d'où elle vient. Et évidemment, il y a ce parallèle absolument direct avec la Madeleine de Proust. Et en fait, Camille, qui est censée la faire parler, Camille ne parle presque que en Proust, avec des mots de Proust. Et ce qui va être tout l'objet et l'intérêt du travail, c'est que bien entendu qu'ils ne vont dire que du Proust au fur et à mesure. Mmh. Nous, spectateurs, nous sommes convaincus qu'Hélène raconte son autobiographie, son histoire avec ses mots, et en fait elle bascule dans Proust tout le temps, et elle dit du Proust, mais c'est comme si on rentrait dans la grande histoire à travers la petite. Une pièce qui interroge donc les mécanismes de la mémoire. D'ailleurs, juste pour ceux et celles qui nous écoutent, Hélène étant Hélène Pataro, grande comédienne, complice de Peter Brook, et Camille de la Guillonnière, l'un de vos acteurs, voire peut-être votre acteur fétiche, c'est bien cela? Exactement. En tout cas, ça fait plus de 15 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Alors dans cette pièce, et au travers effectivement déjà du propos que vous venez de nous tenir, on y sent plus le Proust métaphysique plutôt que le dandy mondain. C'est un peu la direction de travail qui a été choisie? Exactement, c'est pour ça que je parlais vraiment de fragments et d'impressions. C'est le Proust impressionniste qui tout d'un coup décrit en une phrase une sensation, une impression, plutôt que le Proust qui raconte ce monde et cette société de début de siècle, formidable et magnifique. Mais voilà, tout ça, on l'a mis complètement de côté. Tous les guermantes, toutes les mondanités, le parisianisme et les salons n'existent pas du tout dans le spectacle. C'est vraiment une enquête sur l'intérieur de l'âme. Et du crâne et le fonctionnement vraiment de la mémoire, de quoi est-ce qu'on se souvient, de quoi est-ce qu'on est fait. Et en fait, ce sont presque que des morceaux qui traitent du souvenir et du deuil, et le deuil comme souvenir constitutif de ce qu'on est, c'est-à-dire l'appréhension de la perte et la compréhension, c'est-à-dire la prise de pour soi de du fait qu'on n'a plus ce qu'on a été, enfin on n'est plus ce qu'on a été, on a perdu ceux qu'on a aimés, ceux et celles qu'on a aimés, mais en même temps ils sont vivants en nous, donc ils existent et ils nous rendent vivants, et nous sommes constitués de tout ça. Alors ça va de la grand-mère qui est très présente, c'est la grand-mère du narrateur, qui évidemment fait écho à la grand-mère de Marcel Proust, et qui fait écho à la grand-mère de Camille de la Guillonnière, et qui fait écho à la grand-mère de Hélène Pataro. Si on rebondit sur le titre du spectacle L'instant, est-ce qu'on est à la frontière entre réalité et fantasme? Tout cela pour créer le souvenir dont il est question. Le souvenir, d'ailleurs, je crois que c'est une question qui traverse votre travail et cette pièce. Qu'est-ce qui est contenu dans quoi? Dans un objet, un livre, une odeur, une couleur, un goût? C'est vrai, quand on travaille sur ce travail de remémoration, ça s'appuie souvent sur des objets. Sur le plan scénique, est-ce que cela se traduit en effet sur scène? Oui, bien sûr. Alors, c'est y a notamment des moments de musique aussi qui existent. On démarre le spectacle avec cette célèbre chanson Avec le temps, et qui a aussi, la musique a une part d'écho, ça produit tout d'un coup un écho en soi, et ça nous projette immédiatement dans le moment où on a écouté cette musique. Donc, il y a cette dimension musicale, il y a évidemment la scénographie, et notamment un immense espace rempli de chaises qui ont accueilli tous ces fantômes, tous ces gens qui se sont assis dessus, toutes ces centaines d'âmes qui sont encore contenues dans ces chaises. Oui, avec une forme d'obsession de l'empilement, de l'entassement, c'est un peu l'image comme ça qu'on pourrait aussi avoir de notre propre mémoire. Exactement, et cet instant dont le titre est tiré, c'est cette prise de conscience, c'est ce moment, Proust appelle ça la mémoire involontaire, c'est ce moment de hasard où tout d'un coup on prend conscience et on retrouve en soi quelque chose que l'on reconnaît. Alors j'ai lu à propos de ce spectacle, d'ailleurs dans la note d'intention, il est question de perversité de cet homme, c'est la complaisance qu'il entretient avec la souffrance que lui procure le souvenir. Dans cette souffrance, c'est un peu cet instant sur lequel vous appuyez pour démontrer que c'est cet instant qui le rend plus vivant. Exactement, c'est des extraits de Sodome et Gomorre, c'est cette sensation qu'il éprouve plusieurs années après la perte de sa grand-mère. Tout d'un coup, sa grand-mère revit en lui et il pleure, il pleure à chaudes larmes, et en même temps, il se sent bien de la sentir vibrer en lui et il se sent d'autant plus vivant qu'il comprend qu'elle n'est plus, mais qu'elle est quelque part quand même. Alors j'ai lu parmi les écrits et critiques de presse un article paru dans La Terrasse en novembre 2018 à propos de votre travail et de cette pièce. Entre résurgence de souvenirs et introspection existentielle, le metteur en scène nous convie à un rêve de théâtre. Donc on dépasse même l'idée transportée par cette pièce et par ce récit. Mais parce que je crois que c'est exactement ce qui fait appel au théâtre. C'est-à-dire au cinéma, on a besoin de voir tout ce qu'on nous dit de voir, et au théâtre, au contraire, c'est ce juste milieu entre le rêve, la réalité, le concret de ce que l'on nous montre et le concret de ce qui appartient à chaque imaginaire. Donc on est exactement dans la métaphore de la poésie théâtrale. Comment passer de la mémoire au récit et vice-versa? C'est un peu ce type d'interrogation qu'on pourrait avoir. Exactement, exactement. Et qu'est-ce qui est plus réel au fond que plus se rêver? Alors, plutôt l'inverse. Très bien. Juste autre chose, dans les critiques de presse, j'ai lu aussi, tout invite au vagabondage, à une déambulation dont ne se privent d'ailleurs pas les interprètes, qui au passage sont deux interprètes extrêmement brillants, deux générations de comédiens, de comédiennes qui, je serais tenté de dire, font vivre admirablement ces questions de duo. J'espère que c'est précisément ce que ressentira chaque spectateur en voyant le spectacle, mais bien entendu, c'est deux acteurs que j'aime profondément, qui se complètent totalement, l'un plus en lien avec l'écriture et sa virtuosité, donc qui restitue plus, a priori comme ça, Proust, et puis Hélène qui est plus dans un Proust sensoriel et mot à mot, c'est-à-dire Proust est contenu chez Camille dans l'entièreté de la phrase proustienne dans son rythme et sa longueur, et chez Hélène dans la syllabe d'un mot même. C'est-à-dire que c'est un concentré, un substrat de une essence du souvenir au microscope. Pour le spectateur, finalement, quand il va être en face à face avec ces deux acteurs sur scène, on sera peut-être, vous nous invitez finalement à refouiller dans nos propres souvenirs, dans notre propre mémoire, à la recherche, pour ceux qui ne l'ont pas trouvé, de leur Madeleine de Proust. En tout cas, il doit y avoir au théâtre, je crois, la place pour l'imaginaire du spectateur et pour se retrouver. Je crois qu'on vient au théâtre aussi pour ça, ça fait partie des rares moments de notre vie contemporaine qui permet de prendre le temps à plusieurs, de penser à soi et de manière collective, même si elle est individuelle. Et je trouve l'art, évidemment, d'une manière générale, quand on va voir une exposition, qu'on se retrouve face à un tableau, ça nous ramène à soi et la reconnaissance d'une forme, la reconnaissance d'une couleur nous ramène plus profondément à qui on est. Et on a besoin, je crois, aujourd'hui, encore peut-être plus que jamais, de ces moments-là où on prend le temps pour soi. Et donc, on a la place, à travers le récit de cette Madeleine-là, d'avoir la sienne. Un grand merci, Jean Bellorini, pour merci nous avoir consacré ce temps. Spectacle qui sera à l'affiche pour cette nouvelle saison à la Nouvelle Scène Nationale, qui a entre-temps changé de nom, Point Commun. Dorénavant, eh bien, nous vous donnons rendez-vous prochainement sur Cergy Pontoise. Merci à vous. Merci beaucoup. Le spectacle qui a pour titre Un instant de Jean Bellorini, c'est à découvrir les jeudis 7 novembre, 19h30 et vendredi 8 novembre à 20h30 au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Précision, c'est un spectacle qui sera présenté dans le cadre du Festival Théâtral du Val d'Oise et qu'une rencontre avec l'équipe artistique est prévue à l'issue de la représentation du 7 novembre prochain.